Hey! Aujourd'hui, nous recevons Paul Abirached. Excuse-moi d'avoir massacré ton nom. Paul est un jazzman, musicien, un compositeur. Également, il est professeur. Il va tout nous raconter ça. Il est dans plusieurs groupes, dont Paper Moon avec Pierre Fa. Donc, voici. Et vous avez entendu... Ah oui, vous allez entendre aussi des chansons que j'ai captées chez Pierre Fa lors d'une journée spectacle. Donc, voici Paul Abirached. Ou Abirached. A-B-I-R-A-C-H-E-D. E-D, oui, E-D. Excuse-moi, l'artiste. Alors, voici Paul. Be bitter, no. Better not, bitter not, better not, bitter not, no, no, no, no. I won't join the bitter club, no. Tu as sorti l'annuel, ça y est? Oui, mais oui, les deux. Un café, monsieur? Un petit café? Moi, j'ai bien un double. Un double? Ouais. Et un verre d'eau. Tu carbures à la caféine? Non, j'évite, mais c'est vrai que quand je suis fatigué, j'en prends. J'en prends pas mal. Un peu, ouais. Enfin, ça, non, ça va, là, ça va. Tu sais, c'est la fin de l'année, enfin, entre guillemets. Ouais, mais toi, c'est... Oui. Je suis tu sais que j'ai une double casquette, quoi. Enfin, oui. Double, voire triple, voire quoi, je sais pas. C'est-à-dire? Ben non, je suis musicien, mais j'ai une grosse part aussi dans ma vie musicale d'enseignant. Donc, oui, c'est ça. Donc c'est vrai que je suis beaucoup sur des rythmes qui sont parfois des rythmes scolaires, parce que je travaille avec des depuis quelques temps avec des enfants. Alors attends, dans une école qui est un jardin d'enfants. Donc ce sont de très jeunes enfants, entre 2 et 5, tu vois. Donc, Et tu leur apprends quoi, jouer de la tambourine Alors je leur apprends plein de choses. Je leur apprends à chanter déjà, à trouver leur voix, à chanter, à comprendre le rythme. Je leur fais découvrir les notes. Donc quand je les suis sur 4 ans, ils ont, là c'est la première année, ça fait 4 ans que je fais ça, c'est la première année où j'ai des groupes que je suis depuis leurs 2 ans jusqu'à leurs 5 ans. Certains ont déjà développé une très bonne oreille, ils reconnaissent les notes, voilà, ils ont des connaissances rythmiques, mélodiques, ils ont des connaissances sur tout ce qui est instrument, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent plein d'instruments, tu vois. Donc c'est une part importante depuis quelques années finalement de mon activité. Quoi. Non, mais c'est pas trop jeune, 2 ans quand même. C'est jeune, oui. Mais tu serais surpris. Tu serais surpris de voir ce qu'ils arrivent à faire. On fait 2 spectacles par an, des chorales. Donc là où il y a 60, une cinquantaine d'enfants qui chantent ensemble, tu vois. D'âge différent, dans les plus petits, sont... On les sépare pas en général. On fait chanter toute l'école ensemble. Et là, cette année, on a chanté Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin, on a chanté Imagine de John Lennon, Le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet. Ah oui. Tu vois, des trucs qui sont, voilà, Do Re Mi, c'est la mélodie du bonheur, ouais, ouais, ouais. Sound of Music en français. Exactement. En français, j'espère. Alors, en français, ouais. C'est une école bilingue, mais on l'a fait en français. C'est une école bilingue, ouais. Mais on l'a chanté en français parce qu'on essaie d'équilibrer, tu vois, les différentes choses. Alors, il y a une petite mise en scène. Non, c'est vraiment chorale, on est en chorale, on est en groupe, moi je suis avec ma guitare. Guitare électrique et je les accompagne sur ça. Quoi. Alors t'es fier de tes élèves? Ben c'est oui, ouais, franchement, c'est étonnant quoi. C'est étonnant de voir ce que les enfants sont capables d'assimiler, de retenir et même de créer. C'est-à-dire que cette année on a créé une chanson. Hein? Ils écrivent paroles et musique. Ils ont écrit les mélodies. Inventer une histoire à partir des mélodies. Et puis après, moi j'ai mis un petit peu en mots tout ça, quoi. Tu vois, tu te réveilles? Non, mais j'en avais à mon auberge, mais j'ai trop. Merci. J'ai trop discuté avec ma voisine. Donc, c'est vrai? Ouais. La voisine d'en haut, parce qu'en fait, on a des lits superposés. Ouais. Moi j'ai mon lit ici, puis elle a le son lit. Oh! Pierre! Merci Pierre! C'est ma boîte de Mediator qu'on avait oubliée hier. Ah, ouais. J'ai oublié hier chez lui, tu sais. Il est incroyable. Hein? Tu vois, il passe comme ça. Ah oui. Là, il est descendu sur Abestine. J'espère qu'il va revenir. Ah, je crois pas. Non, tu crois pas? Non. Il est drôle, Ouais. Sacré ouais, Pierre. J'ai discuté trop longtemps, c'est une espagnole. Donc, la discussion est assez étrange parce que moi, je parle pas Tu parles pas espagnol? Oui. Ah, tu parles pas anglais? Non. Non? Non. Donc, mais on s'est débrouillé avec Google Traduction. Là. Ouais. Ah, c'est génial. C'est ça, c'est surprenant de voir comment les enfants peuvent. Ouais, c'est. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, quoi. C'est vrai que ça peut paraître loin, finalement, de ce que peut faire un musicien dans sa vie, tu vois, professionnelle, de compositeur, de concertiste, tu vois. Enfin, parce que c'est vrai que c'est se mettre à un niveau qui est très, très différent du niveau qu'on peut avoir. Mais c'est... Déjà, faire ça, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. Et puis, je trouve... Et ça, enfin, plus j'avance dans ma vie de musicien, plus je trouve que la transmission est essentielle, en fait. Quoi. C'est essentiel. Et transmettre quelque chose à des enfants très jeunes, d'une manière qui reste une manière... Enfin, moi, je procède pas du tout d'une manière... Je me suis fait ma technique, enfin, j'ai pas étudié des choses spécifiques pour l'enfant. Je me présente à eux comme je me présenterais sur scène. Ça, j'essaie de jouer un rôle, de tout passe par le jeu, tu vois, finalement. Quoi. Donc j'imagine que pour eux, ils rencontrent quelqu'un qui ne se comporte pas comme un enseignant normal, qui ne se comporte pas comme un adulte normal, qui leur donne quelque chose, tu vois. Non, il n'y a pas de barrière. Non. Et ça, je trouve ça super intéressant. Quoi. Moi, je sais qu'enfant, j'ai pu avoir des rencontres comme ça parce que mon père travaille dans le théâtre. J'ai pu avoir des rencontres avec des artistes qui m'ont marqué, tu vois. Et je trouve que pour un enfant, c'est génial, je trouve, de très tôt, très jeune, avoir un contact avec... avec des êtres humains qui créent des choses et qui créent dans le jeu, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus, tu vois. Le côté ludique, mais le côté aussi professionnel. Exactement, oui. Il ne faut pas oublier qu'on joue, quoi. Oh, oui. Ouais. Puis peut-être même on joue notre vie. Joue... Bah, la vie, c'est la façon de se faire aussi. Enfin, c'est, évidemment, enfin, c'est... on a tous des rôles, on joue tous des rôles, enfin, de manière plus ou moins consciente, tu vois ce que je veux dire. Mais, c'est... mais je pense que tout créateur ne doit jamais oublier ça, qu'on... que c'est le jeu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, il faut pas se prendre la tête. On peut se la prendre, si, mais... mais je pense qu'il ne faut pas oublier ça, quoi. Ton père était comédien? Non, il était théoricien du théâtre. Il était écrivain, théoricien. Ah oui. Et puis après. Et après, il a eu une carrière importante d'universitaire. Il a d'ailleurs enseigné au Canada pendant une période de sa vie. À, au Québec ou à Montréal, je crois. Au Québec, ouais. Et puis après, il a eu un poste de direction au ministère de la Culture pendant à l'époque de Lang. Donc à une époque bénie des politiques culturelles, il a été pendant 7 ans directeur du théâtre des spectacles. C'était un poste très qui était très important au ministère de la Culture. Et c'est vrai que voilà, enfant, on allait régulièrement au théâtre. Et puis c'était ce qui parfois était absolument génial, c'est qu'on rencontrait des comédiens et puis on allait derrière, quoi, tu vois. On pouvait découvrir un peu ce qui se passait en coulisses. La fébrilité. Enfin, je me souviens d'être allé voir le mime Marceau. Alors, je sais plus où c'était. Je me demande si c'était pas au théâtre des Champs-Élysées. Je suis là aujourd'hui. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou au Châtelet, puis on était allé le voir après dans sa loge. Tu vois? Bah, c'est quand même, quand t'es gamin, c'est un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir le mime Marceau. Il avait quoi, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ah, il était âgé déjà. Hein. Ouais, il était âgé. Ça devait faire partie peut-être de ses derniers spectacles, je sais pas, mais pas un jour. Est-ce qu'il était prétentieux? Le mime Marceau? Non. Non. J'ai pas ce souvenir-là. Il a cette réputation-là? Non, j'ai pas ce souvenir-là. Ouais. Mais ton père, là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est théoricien de théâtre. Un spécialiste de l'esthétique théâtrale, on va dire. Okay. Quoi. De l'histoire de la mise en scène, de l'esthétique théâtrale. Okay. Et puis après, d'un point de vue plus politique, spécialiste des politiques culturelles. Voilà. C'est quand même assez pointu. C'est très pointu, ouais. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? On peut pas lui demander, là, mais... Il te l'a peut-être plus lui demander, mais je pense des rencontres, quoi. Parce qu'il est venu en France, on est d'origine libanaise, donc lui a grandi, est né à Beyrouth, et il est venu à 17 ans à Paris en 1947, donc il faut resituer tout ça, s'imaginer un peu l'époque, quoi, pour présenter le concours de normale supérieure. Il a été admis en lettres classiques, et puis après, bah, il a fait une carrière d'abord dans la critique théâtrale, et puis après, j'imagine, c'est au fil des rencontres que tout ça s'est construit, finalement. Quoi. Mais toi, en étant peut-être un enfant de la balle, entre guillemets, tu savais un peu comment fonctionnait le côté artistique en côtoyant ton père puis... Non, pas vraiment. Non? Non. Non, parce qu'il avait quand même... c'était important pour lui de nous amener, comme je te disais, au théâtre, voir des choses de notre âge, évidemment, mais c'était important pour lui, je pense, de nous transmettre ça. Uh-huh. Quand je dis de nous transmettre, c'est à moi et à ma sœur. Et après, il y avait quand même une séparation qui était très très nette. C'est-à-dire que c'était un intellectuel, et puis il y avait sa vie de famille, mais c'était un intellectuel. Les choses n'étaient pas vraiment mélangées, finalement. Quoi. Donc moi, je dirais pas que je suis un enfant de la balle, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais bon, j'ai eu une sensibilisation au spectacle, quoi, quand même assez jeune. Voilà. Alors quand tu as dit à ton père que tu voulais aller plus loin dans la musique... Il n'était pas d'accord. Mais... Non? Ah. Non. Il n'était pas d'accord parce que je pense que comme pas mal de parents, il avait l'inquiétude de l'avenir. Pour lui, il aurait préféré que j'ai un métier plus... classique. Plus dans les clous, quoi, plus classique. Quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des études de lettres modernes. Et puis après, au bout de 3 années de faculté, je me suis orienté vers la musique. Quoi. Alors, vers la musicologie, pour apprendre aussi, enfin pour rester dans un cadre aussi parfois, pour rester dans un cadre universitaire. Bon, c'était un peu, j'étais jeune à l'époque. Hein. Alors tu as la version intellectuelle de la chanson aussi, tu n'as pas juste la version... Comment? Tu as la version intellectuelle de la chanson et non pas uniquement la version artistique. Oui, si tu veux, ouais. Oui, c'est vrai, enfin oui, fin, après, enfin... Je suis musicien de jazz au départ, donc même si j'ai fait mes débuts quand j'étais ado, j'ai commencé la guitare à 15 ans, j'ai d'abord, comme beaucoup d'adolescents à l'époque, j'ai d'abord fait du rock, tu vois. Mais quand je me suis mis à étudier la musique, ben forcément, quand on est musicien de jazz, on doit passer par là, par l'étude harmonique, enfin aussi d'histoire. Mais oui, il y a une forte part qui doit être, une acquisition de connaissances, quoi. Après, moi, je suis pas... Enfin, c'est le parcours que j'ai eu. Je pense qu'il y a d'autres musiciens de jazz qui n'ont pas eu du tout ce parcours-là, hein, et d'autres musiciens tout court qui sont de purs autodidactes. Mais moi, c'est vrai que je suis passé par la case conservatoire, par la case universitaire en musicologie pour étudier... les bases de la musique classique, pour étudier des choses beaucoup plus liées à l'histoire de la musique. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il faut, si tu veux faire ce métier, mon coco, il faut jouer, quoi. Mmh. Évidemment. Donc, mais pourquoi la jazz? Pourquoi? Je pense qu'au départ, c'est une sorte de... C'est une sorte de fascination au départ. Quoi. C'est-à-dire que je me souviens du premier morceau, moi, qui m'a marqué. Je devais avoir peut-être 14 ans. C'était un morceau de Sidney Bechet qui s'appelle Casbah. Casbah. Casbah. Ouais. Et je fais ça de mémoire. Enfin, il faut peut-être vérifier ça. Et j'avais été fasciné par le son. En fait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis cette espèce de plongée dans un univers où d'un seul coup, il y a toute une vie qui s'anime, tu vois, enfin, j'étais assez fasciné par ça. Et puis après, pourquoi le jazz? Enfin, c'est une bonne idée, mais une bonne question, mais je comme ça, j'ai du mal à y répondre. Au départ, la musique instrumentale, puis après aussi la voix. Puis le côté improvisation aussi, peut-être? L'improvisation, évidemment, ouais, qu'on retrouve dans... quasiment toutes les musiques, hein, mais qui là est quand même poussé à un niveau quand même très très élevé. Quoique souvent le rock, c'est tout calculé. En spectacle, on sait très bien que la chanson va durer 4 minutes, mais en jam, on sait plus. Ça dépend de la soirée, ça dépend du chanteur, ça dépend du musicien, ça dépend aussi. Ben, c'est une multitude de choses qui font en sorte que la chanson ne sera pas la même aujourd'hui que demain. Bien sûr. Tandis que dans le rock, les Rolling Stones vont faire la même chanson avec le même rythme. Il y a des formes qui sont beaucoup plus fixées. Ouais. Alors après, en jazz, il y a quand même des formes. Hein, oui, c'est-à-dire que quand on joue... Quand on joue des standards de jazz, il y a toujours une forme finalement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un discours d'improvisation qui est beaucoup plus libre, qui peut durer le temps que l'improvisateur veut. A toujours des choses à dire, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est vrai que ce dialogue finalement entre les instruments, moi j'ai toujours trouvé ça absolument passionnant. Quoi, en fait, quoi. Mais ça on le retrouve aussi dans d'autres formes musicales évidemment. Quoi. Et je vois dans le classique, hein, l'improvisation, on parlait de l'improvisation dans le classique, c'est assez. C'est vrai. On ne peut pas non plus nuire à l'auteur. C'est vrai. Donc on se permet un peu plus dans le jazz. Ouais. Et puis apprendre, tu vois, à dialoguer comme ça avec d'autres instruments, ou même instruments ou voix, évidemment la voix est un instrument, mais moi ça m'a beaucoup servi aussi pour ce que j'ai pu faire après, c'est-à-dire pour des expériences qui sont plus liées à la chanson. Savoir accompagner un texte, comment réagir, tu vois, aux ponctuations, comment placer des silences, comment mettre en valeur l'écriture, tu vois, d'un auteur. Et ça, je pense que être passé, j'y suis toujours dans le jazz, hein, mais avoir cette culture-là, ça apporte beaucoup d'ouverture en fait, et beaucoup de souplesse, de flexibilité. On peut se faire un peu à tout contexte. C'est pas ce que je veux dire. C'est une musique finalement qui est tellement une musique, pour moi, une musique de l'instant, et une musique de la vie, qui est liée aussi à la vie. C'est ce que tu dis. On ne joue pas le même morceau d'un jour à l'autre, d'un concert à un autre. C'est vrai évidemment en pop, c'est vrai aussi en rock, mais c'est pas la même chose. C'est pas ce que je veux dire. Et puis les musiciens de jazz jouent dans des contextes extrêmement variés. Tu peux jouer dans une salle, dans un théâtre, et le lendemain dans un bar un peu crasseux, tu vois ce que je veux dire, ou dans une fête, ou dans des moments où on t'écoute pas, dans un moment où il y a un public qui t'écoute, dans un concert où il y a très peu de personnes, parce que c'est aussi ça, tu vois, c'est aussi ça, quoi, dans des clubs où il y a 3-4 personnes qui sont là, mais ça, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Alors c'est l'humilité. Ouais, c'est peut-être. Rester humble. Bon, je pense qu'il faut essayer en tout cas. Mais qu'est-ce que... Il faut essayer d'avoir un respect, tu vois, par rapport à la musique, puis par rapport aux musiciens avec qui on joue, c'est évident. Ouais. Et puis se mettre au service de la personne qu'on va accompagner. Et quand tu es soliste, tu t'accompagnes toi-même, Quand je fais des concerts en solo, tu veux dire? Vraiment en solo? Ouais. J'en fais peu, j'en ai fait, mais ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Pourquoi ça te lasse? Non. Mais c'est une sacrée expérience, quoi. Ouais. Ouais. C'est une sacrée expérience, le solo. J'ai dû jouer quoi, peut-être une dizaine de fois en solo. Parce qu'en fait, c'est toi qui tiens le spectacle. Ah oui, tu diriges. Tu te diriges toi-même. Tu te diriges toi-même et puis c'est sans filet, quoi. C'est absolument sans filet, quoi. C'est un peu comme un auteur, compositeur, interprète qui joue de la guitare et qui chante. Il n'y a pas de filet. Exactement, oui. Exactement. Moi, c'est la formule que je préfère, c'est le duo. Okay. Enfin, s'il fallait dire ce que je dans les formules instrumentales, ce que je préfère, ce sont les duos. Parce que là, on peut vraiment tisser vraiment un dialogue. Guitare, mais après la guitare, c'est quoi? J'aime beaucoup la formule guitare contre basse. Okay. C'est quelque chose que j'aime énormément, ça. J'aime beaucoup pratiquer. Parce qu'il y a comme un instrument plus grave et un autre qui peut. Ce sont deux instruments qui se marient très bien. Et puis j'adore le son de la contrebasse. Et puis la présence de l'instrument aussi. Enfin, le... En joues-tu? En joues-tu? Non. Pas du tout. Toi, c'est la guitare. Juste la guitare. C'est déjà beaucoup. Juste la guitare, différents types de guitare. Mais guitare acoustique, guitare classique, guitare folk, guitare électrique, guitare 12 cordes. Voilà. C'est un peu d'explorer les différentes couleurs de l'instrument. Mais à quel moment tu t'es dit c'est la guitare que, parce que tu aurais pu jouer du piano, c'est plus difficile à transporter. Mais pourquoi la guitare, c'était... Je pense que c'était un effet de mode au départ. Hein. Je me souviens qu'à 15 ans, j'avais des amis de ma sœur, des gens un peu plus âgés qui étaient guitaristes, qui avaient des groupes de rock, et je trouvais ça super, tu vois. Donc j'ai commencé à prendre quelques leçons avec un super musicien que je vois encore, qui s'appelle Cyril Morin. Et puis voilà, bah après j'ai pris le... À quel âge? 15 ans. J'ai commencé quand même relativement tard. Ouais. Et puis après j'ai pris le goût de l'instrument. Thank you. Après, je pense pas être quelqu'un de, comment dire, je suis pas un obsédé de l'instrument. Pour moi, c'est un médium. Quoi. Okay. Donc c'est pour ça que tu me demandes pourquoi pas le piano. Enfin, j'allais dire, bah, si, peut-être que j'aurais pu faire du piano, on sait rien. Enfin, c'est plus une question d'avoir attrapé ça, quoi. Et puis ça a été la guitare. Quoi. Mais lorsque tu composes, parce que tu as sorti un album. Celui que j'ai, c'est le seul. Je t'ai apporté. Ah oui, ok. Mais quand tu composes tes pièces musicales, parce qu'on sait qu'un auteur, compositeur, interprète, soit qu'il commence par la musique, après ça les paroles, mais toi, comme c'est un instrumental, ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux écrire ici sur le coin d'un. Non, je passe par l'instrument, en général. Je passe par l'instrument et puis de plus en plus par la voix aussi, par le chant. Alors après, ça peut être, il y a différentes façons de faire. Hein. Ça peut être d'abord une mélodie qui vient, ça peut être d'abord une suite harmonique qui vient. Là, ces derniers temps, mais aussi parce que j'ai eu pas mal de demandes, notamment de Pierre Farr. Ouais. Pour Peppermoon et puis pour d'autres artistes, il m'a proposé d'écrire des mélodies. Donc voilà. Et là, par contre, je passe souvent par la voix. Quoi. Est-ce que tu travailles toujours Je chantonne et puis ouais. Je chante et puis ça prend forme et puis après ça se construit au fur et à mesure. Mais après l'écriture instrumentale, c'est presque le même procédé, mais c'est pour une mélodie, je vais passer par la guitare, je vais construire les choses petit à petit. Je prends des notes, je laisse reposer, je reviens dessus, etc. etc. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se forme, quoi, en fait. Ouais, quoi. As-tu, as-tu, ouais. As-tu une feuille avec des portées pour écrire? Alors après, j'écris, oui, bien sûr. Okay. Ouais. Non, mais sur le coin d'un bar, comment tu peux faire ça? Ah, ça, je ne le fais pas, ça. Ok. Non. Bon, déjà, moi, j'ai besoin d'être concentré chez moi, dans, okay. Tu vois, enfin, chez moi ou ailleurs, mais dans, ouais. dans un cadre. Écrire sur le coin d'un bar, okay. Non. Ouais. Mais... Après, les mélodies peuvent venir, et ça par contre je les enregistre, tu vois, mais en les chantant, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne vais pas les écrire sur une partition comme ça, non. Est-ce que tu travailles simplement avec Pierre-Fan ou si tu as d'autres collaborateurs? Alors, en chanson, tu veux dire? Ben écoute, j'ai beaucoup travaillé avec, avec Emma Solal. Avant Pierre-Fan? Grâce à qui j'ai rencontré Pierre, en fait. Ah, c'est Emma qui, par l'entremise, t'a présenté Pierre. Emma m'a appelé, alors il y a combien de temps, je ne saurais te dire, mais tout ça remonte à il y a quand même quelques années. Elle m'a appelé au départ pour faire une série de concerts sur son premier album. Que tu as, oui. Donc je l'ai accompagné, on était trois. Okay. Quelqu'un arrose ses plantes, je pense. On était trois, okay. Avec Philippe Istria, que tu connais peut-être, qui est percussionniste batteur. Et puis bah, c'est à l'issue de ces concerts que j'ai rencontré Pierre, en fait. Et par la suite, on est allé enregistrer chez Pierre Message personnel. Chanson de Françoise Hardy. Voilà, projet en hommage à Françoise Hardy. Bon, après ce projet a tourné aussi sur scène avec Emma et puis toujours Philippe. Et puis bah, Pierre, alors j'ai pas exactement la chronologie, hein, mais c'est à peu près ça l'ordre. Bah, Pierre m'a proposé de venir chez lui à Montmartre, pas très loin d'ici, où on s'est retrouvé, où je t'ai retrouvé hier. Ouais. Pour enregistrer des choses. Alors, il avait besoin d'une guitare sur tel titre, pour tel artiste, etc. Bon, et comme je l'expliquais hier, c'est un processus dans lequel moi je me perds un peu parce que je saurais presque plutôt dire combien de morceaux j'ai enregistrés chez lui et pour qui. Ouais, tu vois? C'est ça. Parce que lui a déjà son idée, mais il te propose juste un fragment. Alors, il est. Il a ce côté qui... Ouais, il est rusé, c'est sûr, c'est vrai qu'il est rusé. sous des abords très... tu vois. Il sait où il va. Je pense qu'il sait où il va. Il s'est déjà préparé. Ouais, ouais. Même à te l'annoncer. Mais voilà, donc on procède, tu vois, c'est... Il va me faire écouter une chanson. Il arrive qu'il me l'envoie avant que je vienne. Et puis, ou alors on la réécoute ensemble, et puis après, bon, voilà, c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un petit travail de recherche, parce que Pierre n'écrit pas toujours tous ses accords, ou alors il écrit des grilles qui sont parfois lacunaires, enfin bon. Mais comme on a vu hier, là, voilà. lui, il a un style très différent, parce qu'il ne peut pas lire la... C'est-à-dire que lui, il connaît forcément ses chansons, il connaît ses musiques, donc il prend des petites notes, tu vois. Et moi, j'ai par moments besoin d'avoir une grille, surtout quand je ne connais pas le morceau, une grille harmonique, une suite d'accords qui est claire, qui est structurée, c'est peut-être mon côté professoral. Mais du coup, voilà, on va dire ça. Et puis après, bah, voilà, il me dit, bah, écoute, vas-y, fais ce que tu entends par rapport au morceau. Alors parfois, il a des indications beaucoup plus nettes. Hein. Il a souvent une indication assez nette par rapport au type de guitare qu'il veut avoir. Et puis j'enregistre, et après je vais enregistrer autre chose, puis autre chose, toujours sur le même morceau, mais d'autres compositions, des propositions plus mélodiques, des contre-chants, tu vois. Et puis au bout d'un moment, il me dit, ben, c'est bon, je crois que c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc souvent je lui dis, tu es sûr, tu n'en veux pas encore un peu? Non, je crois que c'est bon. Et puis bah, après, bah, lui, il fait sa petite cuisine. Et il te le fait écouter à la toute fin. Et après, il m'envoie ce qu'on appelle les mises à plat, c'est-à-dire, ouais. Voilà. Et puis après, bon, évidemment, il mixe, il masterise, etc. Mais c'est-à-dire que il y a une sorte de confiance, je pense, qui est mutuelle et qui est très agréable, je trouve, et qui rend les choses hyper fluides. C'est-à-dire que il me confie des choses, je lui donne quelque chose, et je lui confie ce que je lui ai donné, et après, il en fait quelque chose, tu vois. Ouais. Et donc voilà, sur ce procédé, j'ai enregistré des chansons, bah, évidemment pour Emma Solal, pour Pierre Fa, pour Pepper Moon, pour Elsa également. Et puis après d'autres projets qui sont en cours, qui Elsa, verront. Elle reste juste ici. Elle habite à côté, oui. Oui, en haut. Tu l'as vue? Pas encore, non? En fait, comme je reste à cette auberge-là, je l'ai vue hier par sa fenêtre. Super. Ouais. Super. Et once you didn't know me then, I was an old woman. Sleeping through her life, closed up like a knife, older than her thoughts and tears, older than her years. Those who used to know protagonistes-là t'ont été apportés grâce à Emma. C'est alors, Emma, Pierre, et puis après Pierre. Enfin, c'est Pierre qui... Lui, il a le don, enfin, le don et la générosité de faire se rencontrer les gens, en fait. Enfin, et ça, je trouve ça assez... C'est un transmetteur. Je trouve ça assez génial, en fait, de faire ça. C'est-à-dire que très souvent, c'est quelqu'un qui pense énormément aux autres, en fait, quoi. Il a beau être dans une bulle créative. Pour moi, c'est un poète, ce mec. Quoi. Tu vois, enfin, il est dans son univers. Enfin, tu sais que quand on va chez lui, tu le sens bien, quoi. Mais il sait toujours organiser des rencontres, dire tiens, tu devrais appeler un tel, tu devrais. Je pense à toi pour ça. Est-ce que tu pourrais me faire une mélodie pour un tel? Viens, on va aller écouter tel concert, tel artiste. Je vais te le présenter ou te la présenter. Et puis peut-être que vous pourriez faire quelque chose ensemble. C'est un garçon qui a plein d'idées, quoi. Qui a plein d'idées. Et puis encore une fois, tu vois, Paper Moon, par exemple, cette histoire est assez amusante. Ça, on l'a déjà raconté hier, mais tu vois que j'ai enregistré pendant quelques années pour ce groupe, sans avoir jamais joué avec eux, sans avoir jamais vu Iris, tu vois. Donc elle enregistrait sur des parties de guitare que je pouvais... proposé à Pierre, mais on se connaissait pas, quoi, tu vois. Mais la rencontre a été super. On a passé un super moment de préparation du concert à Düsseldorf. Le concert à Düsseldorf était très sympathique. C'est une fille qui a une pureté, je trouve, en sa voix, qui est magnifique. Elle transporte les chansons. C'est hypnotique. Ouais. Et puis la musique est très belle. Il y a une douceur, tu vois. Il y a quelque chose de très particulier, quoi, tu vois. Oui, puis j'aimerais revenir. C'est jazz. Je reviens encore. C'est jazz, comme moi. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve. Pierre n'était pas entièrement d'accord. Non, pas d'accord. Mais moi, je trouve que tu as raison. C'est-à-dire que. Enfin, c'est une musique qui se prête vachement à l'improvisation, en fait. C'est ce que je te disais hier. Il y a des suites harmoniques qui sont... Il faudrait faire des versions longues, puis partir à planer dans un délire instrumental. Oui, non, ça peut se prêter à des... Oui, parce que 3 minutes, là, je trouve que... À quelque chose de... Que c'est un peu compact. Laisser aérer la chanson, parce qu'on commence à planer, puis la chanson est finie. Et ça, c'est vrai. J'ai réécouté les bandes hier. J'étais couché, les écouteurs... Je parlais un peu à ma petite espagnole, et j'ai fait écouter. C'est vrai qu'on part, mais malheureusement, au moment où on est prêt à se libérer, la chanson est finie. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que je pense que le format, en fait, peut-être que le format qu'il y a, le format disque, D'ailleurs, quand on a préparé le concert, moi je me suis fait la remarque, bon, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Pierre parce qu'on a eu finalement, pour faire ce concert à Düsseldorf, on a eu deux répétitions. Okay. Pour préparer 1h10 de musique, c'est quand même très très peu. Ouais. Tu vois, pour trois personnes qui n'ont jamais joué tous les trois ensemble. Mais je m'étais posé la question que tu évoques là sur le format en fait. Et je m'étais dit, ce format il fonctionne peut-être pour le disque, mais pour la scène, ouais, est-ce qu'il faut vraiment être dans ce format là? J'en suis pas sûr. Dans cette durée, alors la durée c'est autre chose, mais je pense que certains morceaux, tu as entièrement raison. Ça peut se prêter à une ouverture et à plus de longueur. Mais il y avait aussi le format. Tu vois, suite à l'enchaînement, les refrains, puis parfois des astuces que peut avoir Pierre qui fonctionnent très bien sur disque et qui peut-être sur scène. Pouvait s'éclater. Ouais. Parce que ça fait penser à Dire Straits, le groupe Dire Straits Country. Tu connais Dire Straits? Oui, bien sûr. Oui. Bon, ben, le disque, c'est 3-4 minutes, mais sur scène, ils peuvent jouer de la guitare pendant 12 minutes sur une pièce qui a duré 4 minutes sur le disque. Alors, Peppermint, ça pourrait être comme ça aussi. Il pourrait avoir des envolées exceptionnelles. Surtout en plein air, l'été, en salle aussi, parce que en salle, ben là, le son est beaucoup plus concentré, il est plus pur, tandis qu'en spectacle, ben là, ça s'évapore. Mais dans les deux lieux, il y a des privilèges. En plein air, c'est unique, là, on peut pas. Puis en salle, ben là, les gens sont plus concentrés parce que tout est fermé, donc il n'y a pas de son qui ben, sauf les cellulaires, mais ça c'est un autre. Sauf les? Les cellulaires, ça c'est. Ouais, ouais, ouais. Ça, même si on dit aux gens de les fermer, il y en a qui Mais écoute, on verra. Moi, j'espère qu'il va y avoir une suite à tout ça. Comme tu sais, il y a un disque qui va sortir normalement en 2023. J'ai l'impression que Pierre veut préparer les choses, veut que ça ne sorte pas de manière complètement incognito et qu'il y ait des concerts. Il a raison. Ouais. Et qu'il y ait des concerts. Je pense qu'il a entièrement raison. Et on en reparlera. Ouais. C'est quelque chose dont on doit parler. Que tu voudrais que peut-être dans la version spectacle, que ce soit plus élaboré au niveau... Peut-être, on va voir. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est ouvert à la discussion ou je pense qu'il est ouvert. Après, je suis jamais rentré, tu vois, forcément dans des rapports avec lui de... comment dire de, enfin, pas, c'est pas de conseil, tu vois ce que je veux dire, mais de... De point de vue, parce que il a son point de vue. Tu vois, c'est quelqu'un qui, comme tu le sais, aime bien faire une proposition complète. Ouais. Il y a déjà tout réfléchi quand il te l'a proposé. Voilà. Donc je pense que. Mais bon. Après, je lui en parlerai. Enfin, je comptais le faire d'ailleurs. Donc. Alors j'ai ouvert un peu. Tu vois. T'as ouvert une brèche. En plus, moi, j'ai un regard extérieur. Le regard extérieur est important. En fait. Tu vois, c'est intéressant. En même temps, qu'on arrive à des conclusions qui sont assez proches finalement. Ouais. Ouais. Mais le côté professoral, c'est Et puis moi j'aimerais bien, mais après je sais pas toi ce que tu vas en penser, mais peut-être qu'on va trop loin. Non. Et moi j'aimerais bien l'entendre aussi chanter dans Peppermint. Je sais pas s'il l'a fait déjà ça d'ailleurs. Je ne crois pas, non, c'est Iris qui a le... Mais il y a eu des duos. J'aimerais bien, là le concert qu'on a fait, il n'y a pas eu de duo en fait, mais j'aimerais bien les entendre tous les deux. Quoi. Ouais. Mais bon. Ah, c'est vrai. Non mais le groupe il faut pas... est à 5 albums, il est encore jeune. Il faut... Même si pour lui c'est le dernier disque, il l'a dit aussi pour le troisième, c'était ouais, le dernier. Mais je ne suis pas certain de ça. Non, moi non plus. Je ne suis pas certain. Moi, peut-être une lassitude devant tout. Ben, parce que c'est très difficile là, comme puissé Rénal. Ouais. Et puis c'est vrai que les deux trois années qu'on a eues, là, moi je le vois bien aussi pour mes projets, c'est hyper dur de mener à bien des projets. Non, ouais, c'est vrai. Et puis on est dans une logique tu vois, aujourd'hui où les musiciens doivent tout faire. Quoi. Donc, à part quelques-uns qui ont la chance, qui ne le réalisent d'ailleurs pas toujours, mais qui ont la chance d'être un peu des élus et qui pour une raison plus ou moins obscure, sont très bien entourés et puis voilà, ils peuvent se concentrer uniquement sur la création. Mais Pierre, moi j'en fais partie aussi. Tous mes projets, je les mène de A à Z. Changer tout ça, non, c'est... sans décision, éphémère, éternel, tout ce qui est bon, c'est comme les saisons, je m'en remets au ciel profond. C'est vrai que les deux, trois dernières années ont été catastrophiques parce que il y a eu quasiment plus de possibilités. Tu manques quelque chose, le gouvernement arrête ça parce que c'est le confinement. Alors en France, on a la chance quand même d'être vachement soutenu avec l'intermittence. Ouais. Mais il n'empêche que voilà, les possibilités de se produire ont été quand même très très réduites. Moi j'avais démarré un projet dont je t'avais parlé que je veux mener à bien depuis maintenant, qui m'intéresse depuis des années, la peinture de Miro, le travail sur ce que j'ai pu faire sur la peinture de Miro. Là, j'étais arrivé à une nouvelle étape, ça je te parle vraiment avant le Covid, d'un projet de création musicale et d'exposition sur la peinture de Miro, sur Miro et la musique. Les choses commençaient à prendre et ça a été complètement balayé, tu vois, en fait, quoi. Et ça commençait à prendre dans de grosses institutions, donc avec des soutiens, avec l'accord de la succession Miro, tu vois. Enfin, j'avais mis en activité plein de choses. Les choses commençaient un peu à fonctionner et puis bah, ça aurait pu ou dû se faire. Enfin, et finalement, bah, le Covid a balayé ça et puis que veux-tu, c'est... Le temps passe et c'est ça aussi qui est très très difficile dans nos métiers, et ça moi j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, c'est que les projets deviennent caducs très très rapidement. C'est-à-dire si tu veux tourner, tu dois avoir un disque, mais pas un disque qui a 6 ans comme les disques que je t'ai amené aujourd'hui. Ça n'intéresse plus personne en fait. Il faut avoir un disque qui a été enregistré là récemment, frais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est très très compliqué. Très compliqué. Et je comprends pour en venir à Pepper Moon et puis à Pierre, le fait que bah, il veut pas que ce soit, comme il disait hier, proposer une fleur et qu'elle soit tout de suite fanée, finalement. Ouais. C'est beaucoup d'investissement. Puis au même titre que tu prépares juste le fait de trouver une salle, de préparer tout ça, puis d'arriver, puis que le lendemain, le gouvernement dit non, on arrête tout, le confinement a lieu. Donc tout ce travail-là, et remis en question, et même annulé. Bien sûr. Et quand tu veux reprendre ça plus tard, ben là, il faut que tu retrouves une salle, retrouves les mêmes surtout si tu es des, si tu prends les musiciens qui sont dans plusieurs groupes, il faut vraiment que ça fonctionne. Tu ne joues pas dans un certain groupe pour te consacrer, donc c'est pas si évident que ça. Et puis on a des phases aussi, tu vois, où on ne peut pas constamment travailler sur un projet. Ouais. C'est ça qui est compliqué. C'est... Si tu veux écrire, il faut pouvoir avoir une disponibilité d'esprit pour écrire. Quand tu es dans des démarches pour monter un projet, là tu es dans quelque chose de très administratif. Moi, je trouve très intéressant aussi, hein. C'est, enfin, humainement c'est passionnant, tu vas te rencontrer des gens, de les convaincre, de leur expliquer ce qu'on fait, ce que c'est, ce que ça veut dire, pourquoi c'est légitime, pourquoi c'est judicieux aujourd'hui de faire ça. Mais quand tu fais ça, tu as moins le temps pour te concentrer sur le reste. Pour la création. C'est certain que... Tu vois, enfin, c'est... c'est tout... Moi, j'ai l'impression que les artistes qui sont des artistes indépendants sont des équilibristes, en fait, tu vois. Ouais. On est constamment sur un fil et puis constamment en train de chercher un équilibre dans nos vies, de créateurs, tu vois. Et puis moi, comme je l'ai dit au début de notre discussion, j'ai l'enseignement comme... Mais à quel moment ça s'est présenté, ce l'enseignement? Est-ce que ça a commencé au début? Au tout début, ouais. Ouais. Alors, ça fait 20 ans que j'enseigne, donc quasiment maintenant, donc oui, c'est ça. Alors, tu as commencé... Un peu moins, peut-être, enfin bref, quasiment 20 ans. Alors, tu as commencé avant tout à être professeur de musique, après... J'ai commencé quand j'ai clos la période, entre guillemets, d'apprentissage, parce qu'on bon, on la clôt jamais, hein, mais la période universitaire, ouais. On va dire, la période académique, quoi. Ouais. J'ai tout de suite commencé à faire des concerts et à enseigner, en fait. Okay. À enseigner la guitare. Cours privés ou... Des cours privés, oui. Ouais. En fait, tu as encore des cours privés? J'en fais encore, bien sûr. Okay. Ouais. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.